Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, un combat acharné qui marquera l'histoire des féminismes et des luttes sociales, celui des femmes britanniques pour le droit de vote. Au tournant du XXe siècle, alors que le Royaume-Uni de la reine Victoria est bousculé par différents mouvements sociaux et syndicaux, les femmes vont prendre la parole et demander le droit de voter. Mais les hommes du pays, dans leur majorité, maris et pères, hommes politiques, journalistes, bourgeois et aristocrates, vont s'élever contre cette requête qui, estiment-ils alors, mettrait en péril la société tout entière. Les militantes britanniques, qui se battent sous les appellations de suffragistes, de suffragettes, sont moquées, bousculées, frappées, emprisonnées et même tuées. Qu'elles s'expriment publiquement lors de manifestations de rue, une nouveauté au XIXe siècle pour les femmes, ou qu'elles choisissent des modes d'action plus radicaux, toutes participeront au fil des décennies à transformer l'image et la place des femmes au Royaume-Uni et dans le monde. C'est l'histoire d'une lutte féroce mais victorieuse. Notre invitée aujourd'hui, Myriam Boussaba, professeure d'histoire anglaise et de civilisation britannique à l'université Le Havre-Normandie, directrice du GRIC, le groupe de recherche sur les identités culturelles. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct et en partenariat aujourd'hui avec Retro News, le site de presse de la BNF. Récit documentaire Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Charles Cilia. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Au XIXe siècle, au début du siècle, au Royaume-Uni comme en France, les femmes sont carrément exclues de l'espace public et de la sphère politique, ainsi que l'ont théorisé la plupart des fondateurs des démocraties modernes au siècle des Lumières. Leur rôle est de préserver l'équilibre familial au sein du foyer et de favoriser ainsi le bien-être de la société tout entière. Au Royaume-Uni, depuis le Moyen-Âge, les femmes mariées sont soumises au principe de couverture qui, en réalité, suspend leur existence légale. Hors de ceux qui sont censés les représenter, leur père et leur mari, elles n'existent pas et n'ont aucun droit. Comme ça, c'est clair. Mais au cours du XIXe siècle, alors que la presse se développe et que l'éducation des femmes progresse, tout de même, elles sont de plus en plus nombreuses à revendiquer leurs droits. Le droit de faire des études supérieures, notamment en médecine, le droit de porter plainte, le droit de disposer de leurs biens en cas de divorce par exemple, et bien sûr, le droit de voter. En 1832, puis en 1867, le Royaume-Uni connaît deux réformes électorales qui élargissent le suffrage alors censitaire à davantage d'électeurs de sexe masculin, en intégrant notamment une partie des ouvriers, mais en laissant de côté les femmes. Quelques centaines d'entre elles vont alors en profiter pour présenter des pétitions au Parlement, où le député John Mill aborde pour la première fois la question du suffrage des femmes lors d'un débat à la Chambre des communes, mais sans résultat. Le Royaume-Uni leur accorde alors quelques concessions. C'est bien comme ça qu'ils voient les choses au cours du siècle, et notamment le droit à la propriété pour les femmes mariées, ce qui leur permet de jouir de leurs biens et d'exister légalement. Mais le droit de vote leur est profondément nié. Les femmes ne sont-elles pas déjà représentées par leur mari? Et si elles ne partageaient pas les mêmes idées qu'eux, imaginez les conflits que ça engendrerait, les préjudices que cela pourrait causer à la société et même les dangers pour la santé des femmes. C'est ce que pensent encore la plupart des Britanniques à la fin du XIXe siècle. Et c'est ce que défend la romancière Humphrey Ward dans un article de 1889, publié dans le mensuel 19th Century et signé par 104 femmes. Nous, sous-signés, souhaitons faire appel au bon sens et à la réflexion des Anglais et des Anglaises éduquées pour rejeter l'élargissement du droit de vote des femmes pour les élections parlementaires. Toutes les mutations de ces dernières années reçoivent toutes nos faveurs, mais nous considérons que le processus d'émancipation a dorénavant atteint les limites qu'assigne la constitution physique de la femme, ainsi que la différence fondamentale qui doit demeurer entre ses activités et celles de l'homme. Soigner les malades et les démons, s'occuper des pauvres, éduquer les enfants. Toutes ces activités ajoutées à d'autres ont justement fait l'objet de revendications accrues. Et nous nous en réjouissons. Mais lorsqu'on en vient à des questions de politique étrangère ou coloniale, ou de changements constitutionnels majeurs, nous répétons que l'expérience ordinaire et nécessaire des femmes ne leur procure pas et ne leur procurera jamais de quoi se forger un jugement sain dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les hommes. Voilà pour les réacs. Mais d'autres s'organisent pour diffuser une philosophie contraire. Dès l'année 1860, celles qu'on appelle les suffragistes créent des groupements locaux dans tout le pays avec l'idée de faire changer la loi. En 1897, 3 ans avant la fin du siècle, la militante Millicent Fawcett, déjà engagée en faveur de l'éducation des femmes, décide d'officialiser le combat pour le droit de vote en fédérant au niveau national 17 organisations suffragistes. L'Union nationale des sociétés pour le suffrage des femmes est née. C'est le début d'un combat qui durera encore plus de 30 ans. À Londres, en 1897, la reine Victoria célèbre son jubilé diamant et ses 60 ans de règne dans des rues bondées. Ouvriers et ouvrières détourdies de la ville, bourgeoises et bourgeois, aristocrates des beaux quartiers, des millions de personnes viennent admirer le cortège royal. Les femmes qui ne travaillent pas sont étroitement corsetées, mais certaines portent désormais des bloomers, plus confortables que les jupes longues, et c'est ça y est, la bicyclette. C'est à cette société-là qu'appartient Millicent Fawcett, 50 ans. Issue de la bourgeoisie libérale, elle est la sœur de la première médecin britannique et en tant que veuve, elle jouit d'une grande indépendance. Figure emblématique, Millicent Fawcett entend faire avancer sa cause sans faire de vagues, ainsi que la bienséance bourgeoise le réclame. Avec les militantes de son organisation, elle rencontre les députés sensibles au vote des femmes, publie des articles dans la presse et lance des pétitions. L'objectif est bien de faire pression sur les députés par du lobbying afin d'obtenir une réforme électorale, mais aussi convaincre l'opinion lors de prises de parole publiques. C'est ce qu'elle fait, par exemple, avec ce discours prononcé dans l'East London. Millicent Fawcett se veut alors rassurante. À propos des différences entre les hommes et les femmes, ceux qui prônent l'accès des femmes au droit de vote n'entendent aucunement les minimiser. Au contraire, si les hommes et les femmes étaient exactement les mêmes, la représentation des hommes suffirait pour nous représenter également. La maternité, de fait ou potentielle, fait partie de ces formidables réalités de la vie quotidienne que nous ne devons jamais perdre de vue. Mais au lieu d'être une raison contre l'accès des femmes au droit de vote, cette différence entre les hommes et les femmes me semble être l'argument le plus fort qui joue en sa faveur. Je plaide pour l'élargissement du droit de vote aux femmes, car je souhaite voir l'aspect féminin et domestique des choses peser et compter davantage en matière d'affaires publiques. On voit que les notions de femmes et de domestiques tiennent toujours à l'époque. Mais les discours que donnent publiquement Millicent Fawcett et les suffragistes de l'Union nationale pour le suffrage des femmes, bien que modérés dans le fond comme dans la forme, dérangent en cette fin de siècle. À l'époque, les femmes ne se promènent pas seules dans la rue, et on regarde donc d'un très mauvais œil ces militantes qui osent prendre la parole. Les oratrices sont sans cesse interrompues quand elles ne sont pas insultées et renvoyées à une sexualité fantasmée que le public condamne moralement. Pour une partie des Britanniques, les suffragistes sont des whores, autrement dit des prostituées. L'opinion publique britannique, très conservatrice, reste assez hermétique au discours des suffragistes, et malgré une lente mais certaine évolution des mentalités, la réforme électorale tant espérée n'est encore qu'un rêve lointain. En octobre 1903, 6 ans après la création de l'Union nationale de Millicent Fawcett et près de 40 ans après les premières associations militantes locales, une portion de militantes plus radicales va changer d'approche. Puisqu'elles ne peuvent pas faire les lois, les femmes n'y obéiront plus. À l'origine du nouveau syndicat social et politique des femmes, Emmeline Pankhurst, 45 ans, soutenue par ses filles Christabel, 18 ans, Sylvia, 21 ans et Adela, 23 ans. Issue de la bourgeoisie progressiste, Emmeline Pankhurst est engagée pour le vote des femmes depuis son adolescence et elle est la veuve de Richard Pankhurst, un avocat connu pour y être lui aussi favorable. Le slogan de la nouvelle organisation qu'elle fonde à Manchester, « Des actes, pas des mots », se veut une réponse à la stratégie modérée de la londonienne Union nationale de Millicent Fawcett. Pour Emmeline Pankhurst et les militantes qui la soutiennent, il faut avant tout qu'on parle d'elles et de leur cause, quitte à agir hors des lois. Et c'est bien la démarche qu'adopte sa fille Christabel Pankhurst et la militante Annie Keeney, comme le relate en France le journal L'Aurore en octobre 1905. les femmes féministes, s'entend, veulent non seulement jouir de tous les droits de l'autre sexe, mais aussi les revendiquer sur le même ton et par les mêmes moyens. C'est ainsi du moins qu'elles en usent en Angleterre. Par exemple, deux jeunes filles d'une vingtaine d'années, Miss Christabel Pankhurst, diplômée comme docteur en droit, et Miss Annie Kenney, membre important du Parti Socialiste Indépendant, se présentaient ces jours-ci devant un tribunal de Manchester. La première émettait la prétention de défendre devant les juges la seconde, poursuivie pour insulte à la magistrature. La séance dégénéra en réunion publique, l'avocate demandant la parole pour exposer les grands principes de l'émancipation féminine. Expulsée de la salle Manu Militari, Miss Pankhurst ameuta la foule devant le tribunal et répondit par des gifles aux sommations d'un policeman qui voulait la faire circuler. Plein de clémence, le tribunal de police n'a infligé qu'une amende de 5 shillings à l'irascible féministe. On redoute néanmoins les pires représailles. Christabel Pankhurst et Annie Kenney sont finalement emprisonnées pendant une semaine. Elles fondent avec ce procès un mode d'action que les militantes du syndicat social et politique des femmes reprendront dès lors régulièrement. L'interruption de procès ou de réunion publique à coups de slogans et de pancartes, puis l'affrontement avec la police et l'incarcération, leur permettent de faire parler d'elles et de leur cause, le vote des femmes. À ces militantes qui usent de ces méthodes, et pour les différencier des modérés suffragistes menés par Millicent Fawcett, la presse britannique va rapidement leur donner un surnom, les suffragettes. Un diminutif méprisant que les Pankhurst et leurs soutiens vont s'approprier, sans craindre non plus d'être dépeintes dans la presse comme des furies hirsutes, laides et débraillées. En France, voilà comment l'Écho de Paris relate l'interruption par les suffragettes du discours prononcé par le chancelier Herbert Asquith, qui sera bientôt nommé Premier ministre. De notre correspondant particulier, Londres, 15 juin 1906. Les exploits des suffragettes se multiplient. Hier, Mr. Asquith devait haranguer une grande assemblée à la Bourse du blé de Northampton. À peine s'était-il levé de son siège et ouvrait-il la bouche, qu'une dame, gaiement habillée d'une robe claire d'été, se dressait d'un rang du balcon et déployant une bannière, lançait d'une voix suraiguë les cris rituels « Le vote pour les femmes !» Mr. Asquith dut reprendre son siège quand cette dernière fut entourée d'auxiliaires armés de la même bannière, jetant à tous les échos la même revendication. Toutes les semonces proférées se perdirent dans les criailleries, sans cesse croissant en vigueur. Les huissiers n'arrivèrent qu'à temps pour apaiser les furieuses vagues de cette jolie foule. Quelques minutes plus tard, les Amazones reformées en carré tentaient une nouvelle attaque, semblablement matée de même. Alors, M. Asquith parla. D'un côté, les suffragettes du syndicat d'Emmeline Pankhurst agissent légalement grâce à des tracts et un journal, Votes for Women. De l'autre, elles perturbent régulièrement des réunions publiques et organisent des manifestations sans autorisation devant le Parlement ou au domicile de certains députés pour réclamer une réforme électorale. Les rassemblements sont régulièrement réprimés par la police et les suffragettes n'hésitent pas à s'enchaîner aux grilles du Parlement en guise de protestation. Mais alors que les adhésions et les dons progressent en faveur du syndicat social et politique des femmes, certaines militantes, comme Teresa Bennington Greig, critiquent l'autoritarisme d'Emmeline Pankhurst, la dirigeante et fondatrice de l'organisation. Les chefs imposent un carcan de contrôle émotionnel dans lequel les vertus même des membres du groupe sont exploitées. Il s'en dégage un système d'esclavage à la fois mental et spirituel. Les femmes qui y succombent présentent un type d'assujettissement qui n'est pas moins critiquable que celui plus fréquent des femmes aux hommes. Assujettissement d'ailleurs qui ne sont guère éloignés l'un de l'autre. En 1906, Teresa Bennington Greig et près de 80 suffragettes quittent le syndicat social et politique des femmes pour fonder la Ligue pour la liberté des femmes. Emmeline Pankhurst, dénonce-t-elle, n'accepte aucune contradiction et se dirige vers des méthodes plus radicales qu'elle ne soutienne pas. La stratégie de cette nouvelle organisation n'est ni modérée ni constitutionnaliste, à la différence de l'approche incarnée par Millicent Fawcett. Mais tout en agissant hors de la loi, la Ligue pour la liberté des femmes de Teresa Bennington Greig entend privilégier la désobéissance civile non violente. Autrement dit, par exemple, le boycott du recensement ou le refus de payer ses impôts, plutôt que des interruptions de réunions publiques et des affrontements avec la police. Trois approches, donc, qui cohabitent sans heurts en ce début de XXe siècle. Car toutes les militantes savent que chacune œuvre à sa manière pour un même objectif, le vote. Et en 1907, enfin, l'action conjointe des suffragistes comme des suffragettes semble payée. Sir Dickinson, député libéral, présente à la Chambre des communes le premier projet de loi en faveur du suffrage des femmes. La presse, comme l'opinion publique, ne sont plus unanimement anti-suffragistes, comme c'était encore le cas quelques années auparavant, et tous les espoirs semblent perdus. Affaires sensibles sur France Inter. Notre correspondant de Londres nous télégraphie. Le projet de loi Dickinson accordant aux femmes le droit de suffrage a été présenté hier en seconde lecture à la Chambre des communes. Des mesures de police spéciales avaient été prises contre de nouvelles manifestations des suffragettes et on avait même évacué des couloirs toutes les femmes. Le projet a été rejeté, du moins pour cette législature, à cause d'un défaut qu'on reproche souvent à cet aimable sexe, le bavardage. On a beaucoup discuté du projet de loi et des amendements, mais sans pouvoir arriver à un accord. Aussi, la colère des suffragettes est-elle grande et elles annoncent déjà des représailles. Malgré l'engagement des militantes pour le droit de vote des femmes, qu'elles soient suffragistes modérées ou suffragettes radicales, la classe politique britannique refuse de voter le projet de loi présenté par Sir Dickinson en 1907. En réalité, ni les conservateurs, ni les libéraux, ni même les travaillistes, qui craignent que le féminisme ne prenne le pas sur les enjeux de classe, ne souhaitent s'engager dans cette voie. Herbert Henry Asquith, Prime Minister, sous le règne d'Edouard VII et chef de file du Parti libéral, met alors les militantes au défi. Toutes les luttes sociales victorieuses, affirme-t-il, l'ont été parce que les foules se sont mobilisées en nombre suffisant. Alors, pour lui prouver que les femmes britanniques réclament massivement le droit de voter, les suffragettes, menées par la famille Pankhurst, organisent un immense rassemblement. Le 21 juin 1908, entre 300 000 et 500 000 personnes, toutes de blanc vêtues, avancent en cortège à travers Londres en direction de Hyde Park. Emmeline Pankhurst est elle-même surprise par l'afflux des participantes et des participants. Quelle journée ce dimanche, clair, radieux, rempli de soleil doré. Tandis que j'avançais dans le cortège, il me sembla que tout Londres était venu. Lorsque je suis montée sur la plateforme à Hyde Park et que j'ai observé la foule puissante qui attendait et le flux sans fin qui se déversait encore dans le parc de toutes les directions, j'ai été remplie d'étonnement et d'un peu d'effroi. Je n'avais jamais imaginé qu'autant de personnes puissent être réunies pour participer à une manifestation politique. C'était un spectacle gai et beau, autant qu'impressionnant. Les robes blanches et les chapeaux fleuris des femmes, sur fond d'arbres centenaires, donnaient au parc l'aspect d'un vaste jardin en fleurs. Les clairons ont sonné et les orateurs de chacune des 20 plateformes ont commencé leur discours. Les suffragettes du syndicat social et politique des femmes ont choisi un jour chômé pour organiser ce « dimanche des femmes », comme on l'appelle alors, afin que les travailleuses du pays puissent y participer. Des trains sont alors affrétés spécialement pour l'événement de tout le Royaume-Uni jusqu'à Londres. Suffragistes et suffragettes s'organisent officiellement depuis la capitale sous l'impulsion de femmes issues de la bourgeoisie comme Emmeline Pankhurst, Millicent Fawcett ou Theresa Bennington Greig. Mais les différentes organisations qui structurent le mouvement maillent en réalité l'ensemble du territoire, y compris les usines textiles du Nord ou le quartier ouvrier de l'East End à Londres. Au début du XXe siècle, des milliers d'ouvrières qui souffrent en tant qu'épouses, mères et travailleuses des inégalités hommes-femmes voient dans le vote la possibilité d'améliorer leurs très rudes conditions de vie. Déjà rompues aux luttes syndicales, certaines comme Selina Cooper, Hannah Mitchell ou encore Annie Keane, qui travaillent toutes depuis leurs 12 ans, deviennent des figures majeures du mouvement des suffragettes. En juillet 1909, la militante Marion Wallace Dunlop, membre du syndicat social et politique des femmes d'Emmeline Pankhurst, est incarcérée pour avoir inscrit sur un mur de la Chambre des communes un passage du Bill of Rights, la Déclaration des droits britanniques. À la prison de Holloway, à Londres, elle commence une grève de la faim afin d'être considérée comme une prisonnière politique et ainsi bénéficier de meilleures conditions d'enfermement. Son exemple est bientôt suivi par d'autres suffragettes. Et la grève de la faim devient, au fil des années, l'une des tactiques privilégiées de ces militantes qui font de leur corps des outils au service de la lutte. Les autorités britanniques, elles, ne vont pas hésiter à user de leur force pour contraindre ces prisonnières. Le matin suivant, le bruit des roues du chariot qui se rapprochait de la porte de ma cellule annonçait l'horreur. J'allais être nourrie de force. Je me débattis et... quand les gardiennes parvinrent à me maintenir le dos à terre, nous étions toutes à bout de souffle et haletantes. Maintenant que la victime était bien entravée et prête, les docteurs entrèrent avec le chariot tant détesté. L'un s'agenouilla pour agripper mes épaules, un autre tenait en l'air l'entonnoir qui devait recevoir le liquide. Le troisième s'agenouilla près de ma tête et prit le long tuyau dans sa main. Et, petit à petit, il fit pénétrer de force l'embout rigide à l'extrémité du tuyau dans ma narine gauche. Alors que l'embout arrivait au fond de mon nez et pénétrait dans l'œsophage, j'eus l'impression que l'on arrachait mon œil gauche de son orbite. Puis, la nourriture, un mélange de cacao, de bouillon de bœuf, de médicaments, dont un antivomitif pour m'empêcher de vomir lorsque le tuyau serait retiré, était versé dans l'entonnoir et pénétrait dans mon corps, tremblant, brutalisé. Meurtri. La presse, qui profite de chaque action militante radicale des suffragettes pour faire ses gros titres, décrit avec force détail les actes de torture qu'elles subissent en prison. Au fil des mois, des religieux et des médecins vont commencer à dénoncer le gavage systématique et violent des suffragettes. Des députés libéraux démissionnent du parti au pouvoir, et une partie de l'opinion publique, choquée, commence à prendre parti pour ces femmes. À la fin de l'année 1910, les suffragettes, menées par Emmeline Pankhurst, connaissent une nouvelle déception. Le projet de loi de conciliation qu'elles pensaient avoir négocié avec le Prime Minister Herbert Henry Asquith et qui devait permettre à 1 million de femmes, veuves et célibataires de voter, est abandonné. Alors que quelques centaines de femmes se dirigeaient vers le Parlement pour protester, la police réprime durement les manifestantes. Les femmes sont rouées de coups et attouchées sexuellement par des policiers, mais aussi par des passants, qui prennent part à ce qu'on appellera bientôt le Vendredi Noir. Deux femmes, dont la sœur d'Emmeline Pankhurst, meurent dans les jours qui suivent ce Black Friday, l'une d'une hémorragie cérébrale, l'autre d'une crise cardiaque. Winston Churchill, alors jeune ministre de l'Intérieur, impute toute la responsabilité de cette journée aux suffragettes, tandis que la presse soutient les policiers. Pour Emmeline Pankhurst, le Vendredi Noir apporte la preuve qu'il faut changer de stratégie. Des gens ont affirmé que les femmes ne pourraient jamais voter, jamais participer au gouvernement, car gouverner repose sur la force. Nous avons apporté la preuve que c'est faux. Gouverner ne repose pas sur la force, mais sur le consentement des gouvernés. Et si la femme la plus faible, la femme la plus pauvre, ne donne son consentement, elle ne peut être gouvernée. Je suis ici pour affirmer que l'unique façon de justifier la violence, l'unique façon de justifier les dégâts matériels, l'unique façon de justifier que nous puissions mettre en péril le bien-être d'autres êtres humains est qu'après avoir essayé toutes les autres méthodes, nous n'avons obtenu aucune équité. Après 1910, les suffragettes multiplient les coups d'éclat spectaculaires contre des bâtiments officiels. C'est ce que Emmeline Pankhurst appelle l'argument du carreau cassé. À plusieurs reprises, en effet, des femmes brisent des fenêtres dans le West End, le quartier des élites à Londres, et ciblent également les bureaux des deux journaux anti-suffragistes. Dans tout le Royaume-Uni, des militantes envoient des colis piégés à des hommes politiques, blessant ainsi des fonctionnaires et des postiers. Les dommages à la propriété, soit dans des habitations privées ciblées, soit dans des bâtiments publics, ne se limite bientôt plus aux bris de fenêtres à coups de pierre ou de marteau. Car dès juillet 1912, ce sont des bombes que les suffragettes placent un peu partout dans le pays, dans les gares, chez les ministres ou dans des bâtiments célèbres comme le Théâtre Royal de Dublin, la Banque d'Angleterre ou l'Essai Royal à Londres. Près de 700 bombes en 2 ans sont ainsi placées, blessant une vingtaine de personnes. Et bien que les suffragettes privilégient des bâtiments vides, 4 hommes meurent tout de même dans des incendies qu'elles auraient déclarés. En France, le journaliste Jean Longuet dénonce ainsi dans l'Humanité ce qu'il compare à la propagande par le fait des anarchistes de la fin du XIXe siècle. Le dernier exploit des suffragettes contre la maison que M. Lloyd George avait louée récemment dans le verdoyant comté de Surrey n'est pas sans provoquer des commentaires très mêlés en Angleterre. La générale en chef du camp des extrémistes du féminisme, Madame Pankhurst, se déclarait avant-hier soir entièrement responsable, non sans quelques crâneries. Beaucoup de gens, même parmi les partisans les plus résolus du suffrage des femmes, en jugeront autrement. Leur dernier exploit a abouti à détruire la propriété d'un brave bourgeois anglais qui avait eu le malheur de louer sa maison à Monsieur Lloyd George et qui soutient justement la cause féministe. Étrange logique et absurde tactique. Elle paraît avoir principalement pour résultat de renforcer l'opposition des adversaires de la nécessaire extension du suffrage aux femmes et de conduire dans leur camp beaucoup d'hésitants. Comme résultat, c'est évidemment mirifique. Chez les antisuffragistes et au gouvernement, on condamne ces méthodes qui ne prouveraient qu'une chose. Facilement ébranlées par leurs émotions, les femmes sont bien incapables de raisonner, donc de voter. Mais la stratégie des suffragettes, largement réprouvée par l'opinion publique, impressionne. Et l'organisation d'Emmeline Pankhurst continue de collecter les donations dont elle a besoin pour survivre, bien que de plus en plus clandestinement. Milton Fawcett, elle, fondatrice et figure des mouvements suffragistes modérés, ne soutient pas l'action des suffragettes, mais elle en impute la seule responsabilité au gouvernement. En 1912, son organisation, l'Union nationale des sociétés pour le droit de vote des femmes, s'allie officiellement au Parti travailliste. Une première pour les suffragistes de tous bords qui ont jusque-là prôné l'indépendance vis-à-vis des partis politiques. Forte de 100 000 membres, l'organisation de Millicent Fawcett n'a plus grand-chose à voir avec les minoritaires et radicales suffragettes du clan Plankhurst qui refusent, elles, toute compromission politique. Dérangée par l'engagement communiste de sa fille Sylvia, Emmeline Pankhurst va même l'évincer de son organisation. Oui, comme elle évince toute voix discordante. En 1913, elle s'entoure de celles qu'on appelle ses Amazones. Une trentaine de gardes du corps armé de matraque est formée à l'autodéfense, une sorte de garde prétorienne, mais pour la bonne cause. Depuis 1910, certaines suffragettes apprennent le jiu-jitsu afin de ne plus revivre le traumatisme du vendredi soir où policiers badauds les ont violemment agressées. Et puis, à la nécessité réelle de se défendre, s'ajoute une fascination certaine pour les figures guerrières sacrificielles, comme Jeanne d'Arc par exemple. Les suffragettes, encore fidèles à leur chef et idole, Emmeline Pankhurst, sont prêtes à tout pour décrocher enfin le droit de vote pour les femmes. Une suffragette a provoqué un incident en s'élançant à la bride du cheval du roi lors du derby d'Epsom. C'est Emily Davison, une suffragette bien connue, emprisonnée plusieurs fois pour divers attentats suffragistes. Le jockey d'un autre cheval raconte qu'il l'a aperçu, tapis sous une balustrade, bondir tout à coup et se jeter devant le cheval du roi, lequel l'a frappé avec la force d'un boulet de canon, l'envoyant rouler à plusieurs mètres sur la piste. Cette journée du derby restera une journée historique, sans précédent dans l'histoire du turf. Emily Davison, suffragette convaincue depuis 1906, entend, semble-t-il, se saisir du cheval du roi en guise de protestation. Elle meurt de ses blessures quelques jours plus tard. Le jour de son enterrement, le 14 juin 1913, plus de 300 000 londoniennes et londoniens assistent au cortège funèbre organisé en son honneur. Toutes les militantes en faveur du vote des femmes sont là, qu'elles soient suffragistes ou suffragettes, modérées ou radicales. Après la mort d'Emily Davison, le gouvernement britannique se trouve dans une impasse. L'idée du droit de vote a fait son chemin grâce à l'engagement des suffragistes et des suffragettes, certes. Mais réformer la loi, cela signifierait céder aux plus radicales d'entre elles et au règne de la terreur dont elle se revendique elle-même dans la presse. Le 1er août 1914, une bombe explose à la cathédrale Christ Church de Lisburn, en Irlande. Ce sera la dernière pour les suffragettes. Car le 4 août 1914, le Royaume-Uni s'engage dans la guerre contre l'Allemagne et des bombardements bien plus meurtriers se profilent. Les suffragistes modérés menés par Millicent Fawcett, tout comme les suffragettes acquises à Emmeline Pankhurst, abandonnent volontairement leur combat pour le droit de vote et enjoignent leurs militantes à soutenir le pays avant tout. Quand elles prennent la parole publiquement, elles appellent désormais au patriotisme avec une verve remarquée par les autorités. Pendant 4 ans, suffragistes et suffragettes, comme l'ensemble des femmes britanniques, remplacent les hommes à l'arrière. Un argument de plus pour l'Union nationale pour le droit de vote des femmes de Millicent Fawcett, qui engage des négociations avec le gouvernement dès 1917. Et en février 1918, la loi sur la représentation populaire donne le droit de vote à tous les hommes de plus de 21 ans, quel que soit leur revenu. Les femmes, elles, sont autorisées à voter, oui, mais à condition qu'elles aient plus de 30 ans, qu'elles soient propriétaires terriennes ou diplômées d'université. Plus de 8 millions de femmes sont tout de même concernées, mais il faudra encore attendre 10 ans pour que toutes les Britanniques puissent voter dès 21 ans au Royaume-Uni. En 1966, l'écrivaine et militante féministe Virginia Woolf, proche des suffragettes, se souvient de cette époque en ces termes. Incendier, lacérer et détruire des œuvres d'art semble ne devenir héroïque que lorsque cela est effectué à grande échelle par des hommes et avec des armes à feu. Les femmes anglaises ont été très critiquées pour avoir eu recours à la force dans leur lutte pour le suffrage. Ces critiques, apparemment, ne s'appliquaient pas à la force utilisée dans la guerre européenne. En effet, le vote a été accordé aux femmes anglaises en grande partie pour l'aide qu'elles ont apportée aux hommes dans cette guerre. Après les Australiennes, les Finlandaises, les Danoises, les Russes, les Canadiennes ou encore les Hongroises, les femmes britanniques ne sont pas les premières à mener à bien le combat pour le droit de vote. Mais l'action des suffragistes et des suffragettes dans ce pays largement médiatisé en Europe et aux États-Unis, donc au-delà du Royaume-Uni, ne permet pas seulement aux Britanniques de voter. En investissant l'espace public de leurs mots, de leur corps et de leurs actes, ces femmes transforment radicalement le regard qu'on porte sur elles au-delà des frontières de leur pays. En France, par exemple, c'est au terme d'une lutte de plus d'un siècle que les suffragettes françaises, sans cesse décrédibilisées, infantilisées, méprisées, tout comme les militantes britanniques, arrachent tardivement le droit de vote en 1944 aux urnes citoyennes. Sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les suffragettes au Royaume-Uni. Notre invitée Myriam Boussaba, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire anglaise et de civilisation britannique à l'Université Le Havre en Normandie. Vous êtes directrice de GRIC, c'est le groupe de recherche sur les identités culturelles. Et l'an dernier, vous avez publié avec Emmanuel Delanoë et Sandeep Bakshi « Qu'est-ce que l'intersectionnalité, domination plurielle, sexe, classe et race ?» aux éditions Payot. Les suffragettes britanniques, ça nous renvoie, il y a une résonance très forte, ça nous renvoie à la radicalité du combat des féministes. Cette radicalité qui, aujourd'hui, fait peur à certains hommes, probablement ceux qui n'ont pas la conscience tranquille, et peut-être d'autres. On voit bien que le combat des femmes passe par la radicalité. Est-ce que c'est un chemin incontournable pour vous ? Alors, en tout cas, au 19e siècle, ça l'est, puisque tout d'abord, on a deux espèces de femmes, hein, quasiment deux espèces séparées. Les célibataires, qui ont des droits individuels, pas tout à fait les mêmes que ceux des hommes, mais qui ont quand même des droits. Et on a toutes les épouses, qui n'ont strictement aucun droit, jusqu'en 1884, lorsqu'elles deviennent propriétaires de leur corps. Précédemment, c'est leur mari qui possède leur corps. Donc, on voit bien que si on n'est pas propriétaire de son corps, on est dans une situation qui est proche de celle de l'esclave, en fait, qui ne possède pas son propre corps. Et donc, comment peut-on prétendre à des droits lorsqu'on n'est personne, lorsqu'on n'est pas un individu ? Donc, c'est la loi 1884 qui permet aux épouses de devenir propriétaires de leur corps, qui contribue à déclencher une radicalité au sein de la légalité. Puisque c'est une loi votée au Parlement. Oui, en fait, vous voulez dire que dans leurs droits, dans leur combat pour leurs droits, les femmes partent de très loin et que c'est pour ça qu'elles doivent être portées par la radicalité, sinon ça marche pas, quoi. Alors c'est un mix en fait. Hein. Donc cette loi, elle est intéressante de 1884 parce qu'on trouve différents éléments qu'on va continuer à trouver dans toute la campagne d'émancipation, dont le vote, mais pas exclusivement le vote. C'est l'idée en fait que les femmes en général, les épouses en particulier, demandent à être des personnes. Et donc dit comme ça, ça paraît totalement évident. Je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, il y a encore certains pays dans le monde où les femmes ne sont pas des personnes. Absolument. Donc, et donc la radicalité aujourd'hui, alors dans des pays comme les nôtres, faire une comparaison plus familière, est-ce que la radicalité vous paraît dans le combat féministe encore tout à fait indispensable ? Alors oui, moi je pense que en fait c'est un combat politique, donc j'estime que dans une démocratie les personnes ont le droit de choisir leur combat politique, elles ont également le droit de réfléchir aux méthodes politiques qu'elles veulent utiliser, et donc ça c'est aussi un grand débat chez les suffragistes et les suffragettes. Une des grandes différences entre ces deux groupes, c'est la question des méthodes d'action en fait, hein. Donc elles partagent la bataille des idées, hein. Elles ont exactement la même volonté, c'est l'émancipation des femmes, et elles finissent par se centrer sur le vote au tournant du siècle, mais il y a, comme vous l'avez dit dans votre récit, il y a toutes sortes de campagnes qui sont présentes. Hein. Donc les anti-suffragistes et les misogynes de tout poil de l'époque sont évidemment très offusqués et très en colère lorsque vous avez ce mouvement qui s'appelle d'ailleurs le mouvement des femmes, ce mouvement des femmes qui met en branle toute une série de campagnes différentes. Donc avant l'époque des suffragettes, donc avant le tournant du siècle, on a des campagnes très différentes dans lesquelles sont impliquées toutes ces femmes qui vont développer des réseaux, qui vont mailler en effet le territoire, comme vous l'avez souligné dans votre récit, et encore plus à partir des années 1905-1906, où l'émancipation des femmes devient d'abord une émancipation politique, dans le sens où il s'agit d'obtenir le droit de vote, mais ça devient aussi une émancipation politique dans le sens où c'est le statut politique qui est considéré comme essentiel pour obtenir tous les autres droits. D'ailleurs, l'une de ces femmes emprisonnées avait demandé le statut de prisonnière politique. Alors, absolument. Pour que les conditions de détention soient peut-être plus douces, mais il n'y avait pas que ça, j'imagine. Il y avait un vrai message à lancer, là. Il y a absolument un message très important à lancer, qui est le message qu'on a depuis le début de la campagne. Alors, la campagne officielle, c'est-à-dire à partir du moment où elle se structure, on peut dire que ça commence en 1851, avec la première société suffragiste qui est créée dans le pays. On peut penser que ça commence aussi en 1869, quand au Parlement anglais, John Stuart Mill énonce son programme qui est celui du vote des femmes. Donc, selon le moment où on considère que la campagne, toutes ces campagnes commencent, on a des différentes inscriptions dans le contexte de l'époque. Parce que si on réfléchit, vous voyez, 1851, c'est très loin de 1907. Il y a beaucoup de décennies qui se sont écoulées. Donc, à chaque fois, il faut revoir l'inscription politique dans la société du moment. Très bien, Myriam Boussaba, on va se retrouver dans 3 minutes pour continuer à discuter de cette question après avoir écouté Loni, le goût de l'orge. personne à l'autre bout de la mer. Là-bas, dans la nuit comme au matin, les hommes autour de la table se fabriquent des chagrins pour chanter le bruit. Inter. Myriam Moussaba, les grands mouvements sociaux, voire les révolutions, on l'a vu à travers l'histoire, sont menés par la bourgeoisie éclairée qui entraîne ou pas le peuple. Est-ce que là, dans le combat des suffragistes et des suffragettes, les bourgeoises et les ouvrières ont milité main dans la main au sein des mêmes groupes? Est-ce qu'il y a eu transversalité sociale? Oui, absolument. Alors, elle ne démarre pas, elle n'est pas à l'origine du mouvement. Donc, comme je le disais, 1851, on a la première société suffragiste. Très clairement, dans les années 1870, ce sont encore les bourgeoises et d'une façon plus générale, les femmes des classes moyennes, certaines pouvant être pas vraiment des bourgeoises, mais plutôt tout en bas de la classe moyenne, hein, avec des revenus extrêmement modestes. Mmh. Et c'est à partir des années, du milieu des années 1880, qu'on va avoir les ouvrières et les syndicalistes en particulier, ainsi que certaines professions comme les institutrices ou les infirmières, qui vont rejoindre massivement le mouvement des femmes. Alors, elles existaient bien entendu avant, mais ces métiers deviennent... Il y a de plus en plus de femmes qui occupent ces métiers, ce sont les nouveaux métiers de l'époque. Et donc, ces femmes qui sont autonomes par l'argent gagné, par la rémunération, même si elles sont très très mal payées, ce qui est un autre des problèmes de du mouvement des femmes, qui est un problème qu'elles adressent, évidemment. Donc, à partir du milieu des années 1880, on a une rencontre entre les classes sociales, mais aussi entre les âges. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Bien sûr. C'est qu'on va avoir de plus en plus de jeunes. Plus on avance vers le début du XXe siècle, plus on aura des jeunes. Et les suffragettes, quand elles commencent à exister, donc à partir de 1903, donc elles ont un développement assez fulgurant, notamment au niveau médiatique, vont être très très bonne pour inciter les jeunes à les rejoindre. Donc il y a différentes raisons là-dessus. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les ouvrières, elles sont dès les milieux des années 1880 dans les différents mouvements politiques et aussi chez les suffragistes de l'Union des femmes, Les plus modérées, dont vous avez parlé, menée par Millicent Garrett Fawcett, qui elle, très vite, comprend et voit l'intérêt d'avoir les ouvrières avec elle. Par ailleurs, c'est une démocrate jusqu'au bout des ongles. Et donc, la démocratie veut que toutes les femmes participent à la nouvelle démocratie qu'elle envisage. Aujourd'hui, des hommes, bien des hommes, soutiennent le combat féministe, ce qui n'est pas si difficile que ça. Mais il y a un siècle, dans la mentalité d'un homme, vu comment vous voyez les femmes, les hommes qui les ont soutenus étaient assez courageux. Alors il y a ce député qui présente un projet de loi. Est-ce qu'il y a eu d'autres hommes qui ont milité en faveur du suffrage des femmes? Qui étaient-ils? Oui, alors il y a eu beaucoup d'hommes qui ont soutenu les femmes, et je dirais depuis le début, hein, si on remonte à 1851, beaucoup de donc cette première société suffragiste est fondée par des femmes anciennement chartistes, donc aussi il y avait des hommes chartistes qui soutenaient le droit des femmes. 1869, c'est la fameuse déclaration de John Stuart Mill qui, en tant qu'intellectuel très connu dans toute l'Europe et les Amériques du Nord, John Stuart Mill a toujours été suffragiste, elle a été très important pour la structuration du mouvement suffragiste. Donc on a des soutiens explicites qu'on va avoir de plus en plus nombreux au fur et à mesure du temps. Donc on va avoir des sociétés d'hommes suffragistes qui vont naître à peu près en même temps que les suffragettes. Parmi les trois sociétés, l'une d'entre elles sera suffragette d'ailleurs, donc soutiendra exclusivement les suffragettes, tandis que les autres sociétés d'hommes suffragistes soutiendront les suffragistes. Donc on a la même diversité ici, et de façon implicite, mais extrêmement importante, si vous pensez que toutes ces épouses, toutes ces jeunes filles ont pu militer en dehors de leur famille sans l'accord ou le soutien des pères, des maris ou des frères, je pense que c'est une profonde erreur. Alors, donc implicitement, oui, ces hommes soutenaient le combat des femmes, de leurs femmes ou de leurs filles. Alors on a parlé de la radicalité de ce combat, des fenêtres cassées notamment. En 2019, nous avons rencontré un militant antifasciste qui se revendique des méthodes des Black Blocs avec une question, vous allez entendre, qui fait le lien justement avec le mode opératoire des suffragettes il y a un siècle. On ne va pas se désolidariser des gens qui brisent les vitrines des banques et des assurances, qui eux-mêmes brisent les vies. Et il ne faut pas oublier que c'est pour ça que les vitrines des banques elles sont cassées en manifestation, c'est parce que derrière ça, il y a des gens qui se font briser les vies par ces entreprises-là, par ces groupes-là ou ces institutions. Une violence contre une vitrine, c'est une violence qui est matérielle. Quelqu'un qui se prend un tir de flashball dans l'œil et qui ne reverra plus jamais avec ses deux yeux, c'est une violence qui est physique et qui est en plus policière, vu que l'arme, elle est tirée, elle est utilisée par un policier, quoi. Du coup, c'est ça le problème, c'est qu'on met à égalité des types et des situations et des niveaux de violence qui n'ont rien à voir, en fait. Et alors les suffragettes s'attaquaient à des locaux. Il y a eu des bavures, hein, mais elles s'attaquaient à des locaux. C'était une forme d'action qui a commencé il y a un siècle et qu'on voit encore aujourd'hui. Oui, alors elle s'attaquait à la propriété. En fait, ce qui est intéressant, si on revient un peu à la question des droits individuels, le premier droit dans la constitution non écrite de l'Angleterre, c'est le droit à la propriété, et le second droit, c'est le droit à la liberté. Mmh. Et le suffrage de l'époque, qui est exclusivement masculin, s'appuie sur la propriété, c'est-à-dire que vous pouvez voter quand vous êtes propriétaire. Alors la définition de la propriété varie dans le temps, mais ce qui est très important, c'est que la propriété est à l'origine de la liberté politique. Donc, d'accord, à partir du moment où les femmes, qui déjà ne se possèdent pas, ne possèdent pas leur propre corps, elles ne peuvent pas posséder leurs revenus non plus, donc elles ne sont pas propriétaires. Et si on est dans la logique des droits individuels tels qu'ils sont définis à l'époque, elles ne peuvent pas non plus voter, puisqu'elles ne sont pas propriétaires. Donc le passage par la propriété est essentiel. Donc, lorsque les suffragettes, et pas les suffragistes, lorsque les suffragettes attaquent la propriété, ce qu'elles visent à nouveau, c'est une inscription sur la scène politique. La propriété étant la première liberté, la propriété doit donc être remise en question si elle est au détriment de la liberté. On a parfois comparé les suffragettes aux femmes. Est-ce qu'elles sont une inspiration pour les femmes dans l'utilisation du corps comme une arme, comme un outil de communication et de visibilité? Oui, je pense, parce que le but recherché, c'est de choquer, voilà, de choquer, d'attirer l'attention, et c'était exactement ce que voulaient faire les suffragettes à cette époque-là. Merci infiniment pour tous ces éclairages, Myriam Boussaba. Au revoir. Au revoir. Thank you. C'était Affaires Sensibles et Suffragettes Britanniques, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Roux.